En voici un, c'est le diable en personne, grand putassier, toujours tout feu, tout flamme. C'est un bourreau qui jamais ne pardonne. Qu'est-ce qu'il perdra un beau jour? Les femmes, bon gré, mal gré, il marche à tous les coups. Le voile d'a bien l'esclavage d'essence. Il crache sur la Bible et le code, il s'en fout. Mais il se dit, car il a du bon sens. Les femmes, je ne peux leur résister. Aussi je vais les éviter. Mais dès le soir, il a le vague alarme. Avant la nuit, il file chez ses dames. Plus d'un génie s'est perdu chez les filles, plus d'un malin s'est dit quelle folie. Moi je vous dis, c'est bien à tort qu'ils rient. Leur tour venu, qui aura leur peau? Des filles. Bon gré, mal gré, il marche à tous les coups. Le voilà bien l'esclavage des sens. L'un réforme le code, l'autre voit Dieu partout. Anard, chrétien, les mots n'ont plus de sens. Le matin on est plein de bonnes résolutions. À midi on balaye toutes les tentations. Mais dès le soir, on a le vague alarme. Avant la nuit, on file chez ses dames. Aujourd'hui, il viendra pas. Je crois même qu'il viendra plus jamais. Ce serait dommage. Vous trouvez? Tel que je le connais, alors qu'il est, il a déjà quitté la ville. Cette fois-ci, il s'agit de déguerpir et en vitesse. Mon café? Aujourd'hui, c'est mon jeudi, non? Je ne vais tout de même pas changer mes habitudes pour ses futilités. D'ailleurs, il pleut. Hello, Jenny! Hello, Mackie. Au nom du roi, le capitaine Mackie est accusé de triple. Dis donc voir, c'est là une accusation? Il est question de moi. Bien sûr, de tout le personnel. Mac, donne-moi ta main. Riche héritage? Non, pas de riche héritage. Johnny, pourquoi t'as un regard à vous donner des frissons dans le dos? Grand voyage prochainement? Non, pas de grand voyage. Mais qu'est-ce que tu vois donc? Ah, dis-moi ce qui est agréable, hein, pas de risque. Je vois un passage étroit et obscur et peu d'amour. Oh! Et puis là, je vois un grand T. Ça veut dire trahison d'une femme. Et puis là, je vois une... Halt! J'aimerais en savoir un peu plus long sur le passage obscur, sur la trahison. Par exemple, le nom de la femme qui me trahira? Tout ce que je vois, c'est que ça commence par un J. Alors c'est faux, ça commence par un P. Oh, Mac! Quand les cloches du couronnement se mettront à carillonner, tu passeras un mauvais quart d'heure. Allez, continue! Qu'est-ce qui se passe? Un faux, je n'avais que trois! Justement! Comment est passé, Jenny? Vous avez du bon linge. Du berceau à la tombe, le linge avant tout. Moi, je porte jamais de soie. Ces messieurs vous croient tout de suite malade. Mais la percale brodée à la main fait mauvaise impression. Oh, dis donc, j'ai pourtant eu bon succès. Mais toujours avec du linge, je fais la messe. Oui, ces messieurs sont tout de suite en famille. Non, tu portes toujours des jartelles noires, toi. Oui, toujours des jartelles noires. Et toi, qu'est-ce que tu portes comme linge? Moi, j'ai honte de le dire. Ma tante est tellement folle des hommes que je peux faire monter personne à la maison. Et vous savez, si les portes cochères, je ne porte pas de linge du tout. C'est fini. Non, j'arrive à peine au viol. Mesdames, bien avant que mon étoile ne se lève sur cette ville. Bien avant que mon étoile ne se lève sur cette ville. Je vivais dans les conditions les plus précaires avec l'une d'entre vous, mesdames. Et si je suis devenu maquis le surineur, je n'oublie pas dans ma prospérité les compagnes d'autrefois. Et en particulier Jenny, qui était ma préférée parmi ces demoiselles. Écoutez, plutôt.